Ce vendredi à la vie en BD, l'atelier numérique de Banville, la ligne rouge du métro de Montréal, des regards croisés, Bordeaux, Québec et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette heure consacrée au 9e art. Et un 9e art qui prendra différents aspects, différentes identités au fil justement de l'émission, notamment ben, dans les rencontres qu'on aura l'occasion de faire. En fin de parcours, on jase avec Michel Giguère des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Leroy. On va parler avec lui de regards croisés, donc Bordeaux-Québec, comme à l'habitude, à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, ben, il y a un auteur bordelais qui est de passage à l'invitation de l'Institut canadien de Québec. Il y a un auteur de Québec qui, lui, est de passage à Bordeaux en automne. Alors, cette année, c'était Bac qui était vers Bordeaux et c'est Mr. Kern qui est de passage à Québec. D'ailleurs, au fil des jours, il est arrivé, je crois, la semaine dernière. On aura l'occasion, d'ailleurs, de s'entretenir avec lui après le festival en fin de résidence pour voir qu'est-ce qu'il en a retenu, justement, de ce séjour à Québec. Mais donc ce soir, Michel portera un regard croisé sur les deux artistes qui s'adonnent ben, à l'univers justement de l'illustration, chacun à leur façon et des styles complètement éclatés. On verra qu'est-ce que Michel en fera ressortir. Sinon, on jase également avec Julien Paris-Sorel, donc qui est président de Front Froid. Et Front Froid qui a eu le mandat via Métro Montréal, donc le journal Métro, de produire une bande dessinée bi-hebdomadaire, donc deux fois par semaine, et donc de se bâtir autour de cette production-là, un studio un peu un mode de création à l'américaine. Et c'est une bande dessinée qui est également disponible sur le web. Alors on s'est dit, ben profitons-en, jasons-en. Alors il sera de passage. Et sinon, on aura l'occasion d'échanger d'ailleurs dans quelques minutes avec un autre artiste qui produit justement sur le web. Il s'agit de Simon Banville, l'auteur d'Asymptote, qui, par plaisir, a décidé également de mettre en ligne un atelier numérique, donc où sporadiquement ben justement il filme des séquences de travail, des longues séquences autour justement d'un travail de dessin en direct. Alors on jase avec lui de cette pratique et on fera un petit clin d'œil évidemment à son tome 3 d'Asymptote qui va être lancé je crois cette fin de semaine. Alors c'est le menu pour l'émission d'aujourd'hui et sinon également je me ferai un devoir de revenir sur les finalistes 2015 pour les prix BDIS Causa qui ont été annoncés au début de la semaine. Alors qui sont-ils? Quel regard porter sur ces différents albums? Eh bien on en fera mention également en cours de route. Dans l'actualité BD cette semaine, outre les finalistes au BDIS Causa, eh ben, j'en profite pour lancer peut-être d'emblée des salutations et des félicitations à l'auteur Yann Fortin, auteur de la bande dessinée Bonnie dont on avait parlé il y a de ça quelques mois. Et eh ben en fait Bonnie donc a été repris par le magazine Spirou, rien de moins. Alors ce qui fait qu'on aura une nouvelle production québécoise dans ce magazine à la diffusion à travers la francophonie et évidemment tout particulièrement en France et en Belgique. Donc après les Nombris, eh ben donc c'est le petit lapin et sa famille imaginée par Yann Fortin qui fera son apparition donc dans ce magazine. Alors ben évidemment des félicitations, on a bien hâte d'ailleurs de voir quel en sera le premier strip et quelle en sera la réaction puisque il devrait faire son apparition dans un numéro, je crois que c'était début mars ou sinon c'est fin mars. Sinon, on parle du prix de la BD pour la FNAC Belgique 2015 qui a été remis aux Vieux Fourneaux de Paul Lecoet et Wilfried Lupano. Je vous rappelle, les Vieux Fourneaux qui narrent les aventures de trois septuagénaires amis depuis leur plus tendre enfance. Un titre qui a été choisi parmi les 40 sélectionnés. La remise du prix s'est déroulée la fin de semaine dernière dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles. Et donc, ben voilà, dans les Jeux Fourneaux qui continuent d'ailleurs d'obtenir moult récompenses ça et là au fil des festivals et événements. Autre nouvelle, après Pilule Bleue, l'unité fiction d'Arte France poursuit l'adaptation de bande dessinée. Prochaine, ben ce sera Courtoisie d'Olivier Perret qui nous a donné Divorce et fiançailles et un soupçon d'innocence qui tourne actuellement et jusqu'à la fin mars au Nom du Fils, un film adapté de la bande dessinée éponyme de Clément Bellin et Serge Perrotin, une bande dessinée qui avait été publiée en 2011 chez Futuropolis, qui racontait le parcours à la manière d'un road movie de Michel, un soudeur sur des cargos à Saint-Nazaire, un parcours à travers la Colombie sur la piste de son fils Étienne, enlevé par les FARC. Alors voilà, donc pour ces deux petits clins d'œil, et tiens, un petit troisième en terminant. Alors, Jean-Claude Mézières, avec qui on avait l'occasion de jaser il y a quelques années de ça lors de son passage à Québec. Et ben, en fait, on a appris via Actua BD que M. Mézières est en train de dessiner un nouveau Valérian, rien de moins. Alors, évidemment, pas question à ce stade de raconter quel en est le sujet ni à quel moment cela va paraître. Mais quand même, on sait que ce sera une histoire courte qui sera prévue dans un album qui va comprendre aussi un grand nombre d'illustrations. Ah ben voilà, donc pour les fans de Valérian, eh bien, il y aura du nouveau, pas du nouveau long, mais il y aura tout de même du nouveau court et du chouette nouveau, on l'espère. Ah ben voilà, donc pour cette petite revue d'actualité. En musique, l'album qui nous accompagne cette semaine, c'est de Bang Gang Gang Gang Bangers, l'album Loyalty Lane, et on en écoute immédiatement un premier extrait. Toujours l'écoute de la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et si également vous avez envie de réécouter certaines des vieilles émissions qu'on vous propose depuis déjà quelques années, eh bien c'est possible sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie au bout du fil de Simon Banville, auteur de la série Asymptote. Et ben, en fait, il est avec nous pour parler de son atelier numérique. Simon Banville, bonjour. Bonjour. Alors, bien, évidemment, en fait, on le sait, comme auteur, t'es quand même assez actif. Série Asymptote qui se poursuit avec des strips hebdomadaires. Et en parallèle de ça, et en parallèle d'autres activités, évidemment, t'as choisi d'amorcer la diffusion de séances de travail, de séances de dessin en direct sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de proposer ce projet-là? Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est pas mal tout seul dans son atelier. Là, il y a certains auteurs qui vont se mettre en groupe pour travailler dans des studios communs, disons. Et puis moi, je travaille de chez nous tout seul. Et je me suis dit, en fait, je m'ennuyais un peu. Alors, j'ai commencé à diffuser des sessions comme ça d'Asymptote. Là, ça fait déjà quelques années que je faisais ça de façon, par-ci, par-là. Là. Mm-hmm. Et puis, cet automne, j'ai décidé de d'y aller un peu plus de façon régulière en faisant, en explorant d'autres avenues qui sont différentes là de ce que je fais habituellement. Là, moi, je suis habituellement dans le petit bonhomme comic strip à la Charlie Brown Mafalda avec mes asymptotes. Et puis, j'avais le goût d'aller ailleurs, d'explorer autre chose, puis de le montrer comme ça pour le plaisir de la chose. Oui, ça enlève un peu, j'ai l'impression aussi, le fait de le faire publiquement, ça enlève un peu de filet à l'exploration. On se lance, puis OK, faut quand même Enfin, on a l'impression d'être suivi, d'être observé dans cette expérimentation-là qu'on fait sur notre style. Oui et non, parce que je vais pas faire des séances où je mets à la création d'asymptotes, où je me mets à faire des textes, où je cherche des idées. Ça, c'est disons une partie de mon travail qui est difficilement diffusable, disons. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas nécessairement du visuel rattaché à ça, parce que c'est beaucoup des prises de notes, de la recherche. Mais ce que je vais montrer, je vais faire un peu comme j'ai fait beaucoup de radio universitaire par mon passé. Et puis je vais m'organiser un peu dans le même objectif d'avoir un cadre, d'avoir un thème. C'est sûr beaucoup moins organisé qu'une émission de radio, mais quand même je vais cibler un thème particulier. Par exemple, en ce moment je diffuse via la plateforme Twitch qui est consacrée aux jeux vidéo. Donc je me suis dit bon, ben je vais pour pouvoir diffuser là, parce que c'est un outil que j'apprécie bien, pour pouvoir diffuser là, je vais diffuser sur des thèmes de dessin de jeux vidéo, par exemple Mario Bros, ou aller chercher dans Dragon Age, des thèmes comme ça. Puis ça me permet d'explorer un vaste monde, parce qu'on faut dire le visuel du jeu vidéo, là, l'univers visuel du jeu vidéo est énorme. Donc puis ça se rapproche énormément du visuel de certaines bandes dessinées. C'est sans fin, là. On peut reculer dans le temps avec le jeu vidéo en plus, là, pour avoir du plaisir à la recherche visuelle. Donc c'est sans fin. Donc c'est un peu dans cette base-là que je suis parti. Je fais aussi des ancrages, de la coloration d'asymptotes, là, ça c'est plus au niveau technique. Si les gens apprécient voir comment je fais mes strips, comment je fais l'ancrage, comment je fais la coloration, comment j'utilise Photoshop. Ça, c'est une autre partie aussi de mon stream que je montre. Oui, en fait, il y a un côté créatif, il y a un côté pédagogique d'une certaine façon, donc d'apprendre en voyant un peu tes méthodes, tes approches, les outils que tu choisis d'utiliser, la manière par lesquelles tu les utilises. Oui, ben c'est ça. Les gens peuvent me voir en direct, par exemple, je vais poster un lien sur Facebook, sur Twitter et compagnie, ils peuvent me voir en direct, donc me voir travailler trait par trait, pendant une heure et demie à peu près. Mes sessions, ça dure une heure et demie, deux heures. Mm-hmm. Et puis ensuite de ça, je vais prendre la vidéo puis je vais l'accélérer pour en faire un 3 minutes. Et puis là, c'est à ce moment-là que ça, c'est un peu plus un show, je dirais, parce que c'est difficile de voir là, qu'est-ce que je fais techniquement. Par contre, là, si les gens me suivent, ils voient à chaque semaine ou à chaque deux semaines me faire de la symptote, ils vont comprendre que c'est assez facile en tant que tel, là. Sauf que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent débuter Photoshop, ça peut être très intéressant, effectivement. Et en même temps, tu disais, en fait, c'est l'idée de ne pas se sentir seul dans son atelier, donc de pouvoir partager un peu comme ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau du dessin que tu partages sur Twitch, dans tes séances en direct, ben, tu peux avoir des retours de son pratiquement live, justement, des gens qui t'écoutent, qui observent ton travail de dessin. Ouais, ben pour l'instant c'est pas la furie. Je dirais que j'ai eu un maximum de 5 personnes qui m'écoutaient en même temps. Par contre, j'ai déjà des petits projets connexes que je vais rajouter quand je vais avoir un petit peu plus de vues, disons, de personnes qui me regardent en direct. Là, je vais faire des demandes en direct. Dans le sens que les gens, s'ils veulent avoir un dessin d'un personnage en particulier, ils vont pouvoir me le demander, toujours en croquis rapide. C'est ça, justement, je réponds à des questions, parce qu'il y en a eu quelques-unes, là. J'étais en train de dessiner un jeu vidéo, un personnage d'un jeu vidéo, puis on me dit, je m'ennuie d'asymptote. Alors, à ce moment-là, je réponds à la personne, je donne des liens vers d'autres bandes dessinées d'asymptote. Donc, c'est un peu comme une nouvelle façon de communiquer avec l'artiste. Nous, on a souvent eu seulement que les salons du livre, les Comic-Con pour rencontrer les gens. Mais maintenant, on a beaucoup plus que ça. On a Facebook pour pouvoir poser des questions. Donc c'est ça avec Twitch et du stream, comme on appelle. On a vraiment une relation qui peut être beaucoup plus directe avec le lecteur. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, mais en fait, c'est comme ça un peu qu'on, j'ai l'impression qu'on cultive aussi justement ce lecteur-là, la relation que nous comme lecteurs, ben, on entretient une relation plus privilégiée peut-être un peu ou avec l'auteur. Puis en même temps, mais il y a toujours une une certaine fascination. En fait, je me réfère, par exemple, aux animations qu'il y a au Festival de la bande dessinée francophone de Québec et des artistes à l'œuvre. On voit justement un travail de dessin en direct pendant une demi-heure à peu près. Mais c'est un peu dans cet élément-là, c'est d'aller derrière un peu, d'aller en coulisses de la BD, d'aller voir un peu comment le dessin se travaille. Puis à la limite aussi de pouvoir éventuellement comparer avec d'autres artistes qui font un exercice similaire. Il y en a pas des masses au Québec, mais ailleurs dans le monde qui font justement ce même genre de pratique-là. Oui, aux États-Unis, c'est très répandu, ne serait-ce que pour la mode du stream de jeux vidéo sur Twitch. Mm-hmm. C'est une culture qui est étrange, une culture populaire, moi qui m'a fasciné, et cette façon-là d'être nous-mêmes le média, de devenir notre bureau, de devenir un studio aussi facilement qu'en quelques clics. Hein. Le logiciel est gratuit, puis vous achetez une webcam, puis c'est parti. Hein. Donc moi, ce côté-là, moi, me fascine. Je sais pas où ça va aller. Moi, l'atelier numérique de Banville, ça s'appelle un atelier parce que c'est de l'exploration. J'ai pas nécessairement un objectif particulier. Je me donne un objectif à court terme, c'est-à-dire de le faire. Et puis à date, j'aime ce que ça fait. J'aime l'intérêt que ça amène chez les gens. D'ailleurs, au salon d'Outaouais qui a eu lieu la fin de semaine passée, il y a déjà même une personne qui m'a approché en disant qu'elle écoutait mes YouTube et que c'était un illustrateur scientifique qui commençait à aborder les logiciels de dessin. Donc tout ça était très intéressant, puis on va voir ce que ça va nous mener avec les années, on ne sait pas. Oui, en fait, c'est de voir un peu de quelle manière, justement, on peut exploiter les nouveaux outils qui sont disponibles. Puis, à un certain point, il faut oser, il faut se lancer, il faut voir comment les gens répondent. Puis, peut-être que ça va faire éventuellement un effet boule de neige en disant, ben OK, Banville le fait, ça marche bien, c'est plaisant, ben OK, on va embarquer dans ce train-là, nous aussi, etc. Oui, ben, vous savez, c'est toujours une épée à double tranchant parce que ça reste très spécifique comme média, dans le sens que en ce moment, Simon Banville fait du dessin sur Internet, et puis si ça te tente pas de voir ça, ben tu vas aller voir quelqu'un qui est en train de jouer du piano, tu sais. Moi, je trouve ça fascinant. C'est ça. Les gens qui veulent faire du dessin, qui ont des tablettes graphiques ou qui ont simplement une webcam qui vise leur papier, moi, je trouve que plus ils vont en avoir, plus ça va être intéressant parce que les gens vont avoir le choix d'aller voir un artiste ou l'autre, puis de les mettre en relation, de poser des questions et tout ça. Je trouve que... ouais, c'est ça. J'ai autre chose à dire sur le sujet. Et Simon Banville, en fait, si les gens veulent avoir de l'information sur l'atelier, mais en fait, sur Facebook, on cherche l'atelier numérique de Banville, sur YouTube, la même chose, dans Google, on trouve facilement tout ça. Et est-ce que tes rendez-vous, en fait, tu les annonces évidemment sur ton Facebook, mais est-ce que c'est des rendez-vous fixes que tu insères obligatoirement dans ton horaire, ou est-ce que tu virevoltes un peu selon les semaines? Les rendez-vous fixes, c'est un objectif. Pour l'instant, ils sont. J'avise quelques minutes avant que je vais être en ligne. Et ça demeure quand même intéressant parce que le tout est disponible en différé sur Twitch, puis en accéléré sur YouTube. C'est ça. Mais l'objectif, éventuellement, ça va être de faire un rendez-vous hebdomadaire une ou deux fois par semaine de façon fixe, oui. Alors, on invite les gens, évidemment, à embarquer dans cette expérience-là, à la développer avec toi, d'une certaine façon. Et sinon, aussi, Simon, avant de te laisser, je mentionnais Asymptote en début de parcours. Là-dessus, en fait, tu viens de franchir aussi une bonne échéance, puisque le tome 3 est lancé dans les prochaines heures. Là. En fait, on a lancé le tome 3 au Salon du livre de l'Outaouais en fin de semaine passée. OK, a été lancé. Pardon? J'aurais dû dire a été lancé les dernières heures. Oui, en fait, je sais pas, je crois qu'il est rendu en librairie, il est disponible en librairie à partir de cette semaine. Je sais pas, là on est vendredi, donc il devrait être en librairie. Logiquement. Et c'est toujours évidemment la résultante de le condensé, si on peut dire, des strips que tu proposes sur le web, que tu proposes en magazine, etc. Oui, c'est ça. C'est la série Asymptote qui a été écrite en 2011-2012. Donc, c'est dans beaucoup de bandes dessinées qui ont paru dans le 24 heures, là, quand j'étais quotidiennement dans le 24 heures, le journal du métro de Montréal, dans les débrouillards, dans l'autre journal aussi. Donc, il y a toujours une petite touche politique, sociale dans mes bandes dessinées qu'on retrouve, voilà. Et est-ce que tu as l'impression qu'une nouvelle fois, il y a un peu des thèmes, un axe particulier qui est ressorti de ça? Est-ce que tu as réussi à insuffler, comme à l'habitude, un certain récit, dans le fond, à ces planches-là? Je dirais qu'il y a plutôt une atmosphère plus qu'un récit. Il y a des récits, en fait, il y a des suites de bandes qui peuvent faire une histoire. Je pense que la plus longue, c'est à la 2 ou 3 pages. C'est Pou et Flip qui s'infiltrent dans une fête mondaine en tant que canapé. Mais à part de ça, je dirais que c'est une atmosphère. J'explore beaucoup la vérité et qu'est-ce qu'on en fait dans cet album-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé « Que du vrai ». Mes personnages qui ont des lunettes roses sur la page couverture. Mais je pense que c'est plus un... Il n'y a pas de thème particulier, c'est vraiment une atmosphère. Au plaisir d'ailleurs de s'en reparler en cours de route, évidemment. Et d'ici là, on te retrouve et donc en album avec le tome 3 d'Asymptote et sur le web avec ton atelier numérique. Simon Banville, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Au revoir. Alors voilà, donc, je rappelle Simon Banville, auteur d'Asymptote. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, cherchez tout simplement là, sur les différents médiums qu'on a mentionnés, l'atelier numérique de Banville. Vous allez trouver très facilement tout ça. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30 sur les ondes du 89.1. Je vous rappelle qu'on écoute toujours des petits extraits donc de Banagang Gang Bang Bangers tiré de leur album Loyalty List. Alors, un album qui est disponible d'ailleurs sur Bandcamp. Et en fait, tel que mentionné d'entrée de jeu, je pense sujet incontournable pour cette semaine, les finalistes 2015 des prix BDIS COSA qui ont été annoncés et prix qui seront remis dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec le vendredi 10 avril prochain. Alors, des récompenses qui visent évidemment à souligner l'excellence de la bande dessinée d'ici et d'ailleurs, des récompenses qui sont remises depuis 1989. Donc, quand même, et qui sont sélectionnés par un jury rassemblant des libraires et des journalistes spécialisés en bande dessinée de Québec et du Québec. Alors, la liste des nominés, différentes catégories. Premièrement, on parle du prix Ville de Québec, qui lui est remis à un auteur ou dessinateur d'un album québécois édité au Québec. Alors, dans ce cas-ci, les nominés, c'est très varié côté maison d'édition. Chez Mécanique Générale, il y a La Grande Noirceur de Philippe Girard. Donc, ce récit qui nous ramène dans le Québec des années 20, si je ne me trompe pas, des années 40. Bref, donc une période complexe, des relations interpersonnelles avec, disons, empreinte de biais par rapport à la religion, de biais par rapport à l'origine aussi. Promise, tome 2, L'Homme Souffrance de Michael et Thierry Lamy chez Glénat Québec, donc superbe album qui nous amène une deuxième fois dans ce petit village en plein cœur des Rocheuses avec cette ambiance lourde et glauque, une BD d'horreur vraiment bien réussie qui, disons, amène la peur par son ambiance et réussit finalement à faire peur à travers la BD au bout du compte. C'est très solide, je vous en ai parlé d'ailleurs en long et en large. J'aime les filles également de Diane Obomsawin chez Loi de Cravane, donc également superbe bande dessinée très naïf de Bom qui vient vraiment vraiment servir ce récit très personnel, regard sur les relations entre femmes d'il y a plusieurs années, sur différentes étapes charnières dans cet amour entre femmes, donc les premières fois, et qui est aussi un peu le constat d'une certaine époque et d'une certaine de certains défis qu'il y avait de pouvoir vivre au grand jour ces relations. Alors vraiment une BD incontournable également. D'un point de vue humoristique, Le Bestiaire des fruits de Zviane à la pastèque, BD vraiment sympathique, Zviane qui réussit à faire, ma foi, à faire sourire avec un concept qui aurait pu sombrer dans la rébédition rapidement, mais qui finalement est diablement efficace. Et enfin, La guerre des arts de Francis Desharnais chez Pow Pow. Donc ce défi scénaristique où Desharnais s'est donné 10 cases pour justement bâtir une BD de grandeur standard. Alors, un défi qu'il a joyeusement relevé. Sinon, le prix Albéric Bourgeois qui lui est octroyé à un album réalisé par un auteur ou dessinateur québécois, mais publié à l'étranger. Alors là, on a 3 finalistes. Le premier tome de la série Broadway de GF du côté de Soleil. Alors ici, on parle en fait d'un album, je pense au point de vue visuel, qui est vraiment réussi. En fait, GF qui a réussi à imprégner ses cases de l'esthétique de cette époque-là. Alors vraiment, en fait, qui nous renouvelle une nouvelle, en fait, qui nous rappelle une nouvelle fois la qualité de dessinateur de cette personne. Également, en termes de qualité de dessin, ben l'autre nominé, La colère de Fantômas, tome 2, Tout l'or de Paris, de Julie Rochelot et Olivier Boquet au scénario chez Dargaud. Encore là, Rochelot qui continue d'offrir ce dessin absolument superbe qui m'avait scié les jambes au premier album. Et ben, peut-être qu'il y a un peu moins l'effet de surprise sur le deuxième, mais ça demeure ben, tout de même extrêmement bien fait. Un style très fort qui donne toute l'identité à cette série, une identité très forte. Et enfin, le 9e tome de la série Magasin Général, Notre-Dame des Lacs de Loisel et Trip. Vous vous rappelez que j'avais placé cet album dans mes coups de cœur également de mon côté pour l'année 2014, peut-être pour la série dans son intégralité, une superbe série qu'il vous faut absolument lire, ça c'est clair. Sinon, le prix Réal Filion, qui lui souligne l'excellence d'un premier album réalisé par un auteur ou un dessinateur québécois, édité au Québec ou à l'étranger. Alors là, on parle de 23h72 de Blanc chez Pow Pow. Alors, récit d'un zombie, dans le fond, d'un homme qui revient à la vie sans trop savoir pourquoi et de l'impact que ce retour a sur le quotidien de ceux qui, jadis, l'entouraient. Un récit mi-absurde, mi-tragique, mi-humoristique. Vraiment, en fait, Blanc qui réussit à métisser les styles de manière brillante. En fait, pour un premier album vraiment très solide. Far Out de Gauthier Langevin et Olivier Carpentier au studio Lunac. Western Spaghetti. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur kimik.com, vous allez voir les planches sont superbement dessinées. Là, vraiment, côté esthétique, on se sent dans un Western Spaghetti à saveur science-fiction puisque ce sont des robots qui le peuplent. Mais vraiment, là, beau sens visuel de ce côté-là. Cumulus de Guillaume Perrault chez Mécanique Générale. Un récit encore là, à la fois triste ou joyeux, tout dépendant de la façon dont vous percevez. Donc une amitié d'un moment entre un bambin et un nuage. Un récit vraiment, vraiment bien réussi, bien pensé, illustré de manière naïve, efficace, si on peut dire. Donc un livre qui mérite également largement le détour. Et sinon, on passe au coup de cœur. D'abord, Maurice Petit-Didier, donc bande dessinée francophone. Alors là, dans ce cas-ci, le jury a retenu pour les BD Scosa 3 finalistes. Alors, Les Vieux Fourneaux, tome 1, Ceux qui restent, de Lupano et Coet, chez Dargaud, on en a parlé tout à l'heure. L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient, de Riyad Satouf, chez Alaric, d'ailleurs remporté, je pense, le Grand Prix du côté d'Angoulême. Blast, tome 4, pourvu que les bouddhistes se trompent, donc 4e tome de L'Essentiel, série de Manu Larsenet chez Dargaud. Et en matière de traduction, eh bien là, on parle de 3 finalistes également pour le prix Coup de cœur. Moi, Assassin d'Antonio Altariba et Keiko chez De Noël, album qui avait remporté le Grand Prix de la critique à CBD. D'ailleurs, on vous en avait parlé à ce moment-là. Encore là, il faut que vous lisiez cette BD. C'est extrêmement particulier, extrêmement réussi. Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack de Tom Gold, édition chez Alto. Vraiment, en fait, moi, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié Goliath, son premier album, du moins que j'ai eu l'occasion de lire. Et avec ce deuxième, on y va plus dans le strip un peu façon journal, mais le strip absolument absurde, déjanté, particulier, là, c'est vraiment fait. Je vous mets au défi de pas rire à certaines des séquences. Là, si vous aimez ce type d'humour-là, évidemment, là, c'est très réussi. Et également, l'abominable Charles Christopher, tome 2 de Carl Kerschel chez Lunac.

doigts un peu après les médias, mais un peu avant le reste du monde. Et également, surtout, de voir une chouette animation de dessin en direct. Donc, 10 dessinateurs qui se prêtent au jeu et qui vont vous offrir une joute à finir de dessin en direct au fil de la soirée. Donc, ce sera de 17h30 à 19h30. C'est mardi 10 mars. C'est à la Ninkasi, donc, du Faubourg, je le rappelle. Alors voilà, cela étant dit, eh bien, on avait parlé l'automne dernier d'une série qui est arrivée sur Radio-Canada Québec, Rita et Riton, et maintenant, ben, on vous parle d'une série qui arrive sur Métro Montréal, à la fois version papier et web, et cette série s'appelle La Ligne Rouge. Pour nous en parler, on est accompagné d'un des artistes qui développe ce projet. Il est également président de Front-Froid, Julien Paris-Sorel. Bonjour. Salut Raymond. Alors, ben justement, c'est un peu le collectif Front-Froid qui travaille sur cette bande dessinée-là. Vous êtes 5 à la développer, La Ligne Rouge. C'est publié depuis le 9 février dans les pages et sur le web de Métro Montréal. Alors, d'où est venu un peu ce projet et d'où est venue cette collaboration-là autour de ce projet-là? Donc, c'est ça. C'est publié deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi, dans le journal Métro. À l'origine, l'an passé, on était une gang d'artistes de Front-Froid qui avait participé à un projet de dessin direct dans le métro de Montréal. Et on avait commencé à développer tranquillement cet univers-là qui était la ligne rouge, soit une ligne de métro fictive. Et on a décidé de monter un dossier et soumettre le projet au journal dans le but de publier de la bande dessinée dans leur page. Puis, ils ont accepté. Puis, ils étaient pas mal intéressés, ils étaient pas mal enthousiastes par rapport au projet. Et on a une approche assez originale, je pense, parce qu'on est 5 artistes à travailler sur le projet. Un peu à la manière du comic book états-unien ou bien du manga asiatique. S'il y en a qui connaissent Last Man, ils vont comprendre un peu le principe. Donc, est-ce que tu veux que je décrive un peu les rôles de chacun? Oui, effectivement. Dans le fond, c'est un principe à l'américaine, donc avec chacun sa spécialité. Oui, donc on est 5 artistes, il y a 2 scénaristes, soit Olivier Jobin et Dominique Carrier, qui ont publié à maintes reprises dans le collectif Le Front. Donc, eux, ils font le scénario. Ils écrivent tout ce qui est le dialogue, développement du récit, l'intrigue, profil psychologique des personnages. Ensuite de ça, les scénarios sont soumis à un premier artiste visuel, soit Jack Dion, qui fait le scénario-image, donc le découpage graphique. Donc, c'est lui qui utilise les cases, qui place les éléments dans l'espace, qui fait la composition. Mm-hmm. Ensuite de ça, Jack m'envoie son découpage. Donc, moi, je fais le dessin, donc l'ancrage. Donc, toutes les lignes noires qui sont visibles à la fin, ben c'est mon travail. Et ensuite de ça, moi, je refile le tout à notre coloriste, Olivier Carpentier, qui fait Far Out, le dessinateur de la série Far Out. Puis lui, il fait toute la couleur, donc les ambiances, les atmosphères, et qui donne la vie finalement à tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, c'est chapeauté par Gauthier Langevin, là, qui supervise toutes les étapes, puis qui est le grand Manitou du projet. Et qu'est-ce qu'il fait, Julien, l'avantage justement de ce type de fonctionnement-là? Est-ce que c'est particulier justement un projet comme La Ligne Rouge où on doit fournir quand même plus rapidement, donc ça permet plus d'efficacité, dans le fond? Ben, c'est ça. Nous, dans le fond, là, présentement, je pense que hier, il y avait le 8e épisode qui était paru dans le journal, qui est disponible actuellement sur le web. Nous, on est rendu déjà à la moitié de la production. Mm-hmm. Donc c'est 40 pages, 40 strips de bande dessinée qui sont déjà qui vont être publiés au final. Nous, on en a déjà fait 20. Notre rythme de travail tourne autour de 3 par semaine. Chacun scénarise 3 par semaine. Il y a 3 découpages qui sont faits par semaine. Il y a 3 ancrages qui sont faits par semaine et finalement 3 colorisations qui sont faites par semaine. Donc avec ce rythme-là, ça nous permet d'être en avance. S'il y a des modifications à faire, on a un peu de lousse, un peu de jeu. Mm-hmm. Moi, c'était la première fois personnellement que je travaillais de cette manière-là. J'avais déjà travaillé avec des scénaristes, justement Olivier Jobin. Mais avec autant de gens pour la même bande dessinée, ça, c'était du jamais vu pour moi. Puis je dois avouer que j'adore le concept. C'est super inspirant de travailler avec d'autres artistes visuels parce que ça nous sort de notre zone de confort. Puis je dessine des choses que habituellement je dessinerais pas tout à fait de la même manière. Donc ça élargit mon spectre graphique. Puis c'est intéressant aussi de voir c'est un peu un phénomène d'émulation. Tout le monde apporte son grain de sel, puis ses bonnes idées. Puis je pense qu'au final, ça devient assez riche. Moi, je ferais pas la couleur exactement comme Olivier l'a fait. Je ferais pas les découpages comme Jake fait. Je n'arriverais pas de la même manière que les gars. Mais tout le monde apporte ses idées, puis ensemble, je pense que ça donne un bon résultat. Oui, effectivement. En fait, l'idée, c'est de trouver une façon que les styles gèlent bien ensemble, si on peut dire, et de se faire confiance mutuellement, parce que c'est la clé dans la mesure où toi, tu reçois un texte qui est mis en scène, finalement, puis ensuite, tu laisses, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui décide la finalité des ambiances, d'une certaine façon, dans le choix de couleur, qui demeure crucial aussi pour l'esthétique de la page. Donc, il y a une autre interprétation qui arrive après ton dessin. Absolument. Il y a vraiment un système de confiance, puis de laisser aller aussi, pour que ça fonctionne bien, que ça soit... harmonieux en équipe et tout. Puis on fait souvent le parallèle avec le milieu cinématographique pour essayer de comprendre un peu nos rôles. Donc les deux scénaristes, ben ça change plus ou moins. C'est les scripteurs, ceux qui déterminent le déroulement du récit. Jake qui fait les découpages, qui fait le scénario-image, bon, on le voit un peu comme le réalisateur du film, entre guillemets. Mm-hmm. Donc c'est lui qui va déterminer le rythme, qui va déterminer les angles, les prises de vue, le cadrage et tout. Ensuite, moi, on me voyait un peu comme, entre guillemets, l'acteur, donc qui donne un peu la vie au personnage, qui va travailler les expressions faciales, qui va donner les détails dans les vêtements, dans les costumes, dans les décors. Puis, au niveau de la colorisation d'Olivier, ben un peu comme le directeur photo... Donc, il va vraiment donner la touche finale pour harmoniser le tout, créer l'ambiance, faire les effets. Donc, ça peut aider les gens à comprendre un peu notre rôle respectif. Et tout ça au service d'un récit de science-fiction, dans la mesure où l'argument de départ, c'est que vos personnages, donc un homme, une femme, un enfant et un singe toutou qui devient un vrai singe, découvrent la ligne rouge, qui est une rame de métro qui n'existe pas. Ouais, exactement. Ben c'est tu dis science-fiction, là pour voir ça se développe. On a 8 strips sur 40 qui sont diffusés. Ça risque de te surprendre. La prémisse de base, c'est une grande sœur, Stéphanie, qui garde son petit frère Arnaud dans le métro. On est à Berry-UQAM, donc une station assez centrale, un terminus. Puis Arnaud, il est un petit garçon super dynamique, imaginatif. Qui a toujours son toutou en forme de... Ben, qui est un singe, dans le fond, qui est avec lui. Et lui, il part, il se sauve un peu. Il est toujours en mode action, aventure. Il est toujours un peu un esprit d'explorateur. Donc, il va un peu s'enfuir comme ça. Et il y a Sébastien Sem, qui est un adolescent un peu maladroit, qui va aborder Stéphanie pour un peu lui chanter la pomme. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que bon, Arnaud a disparu. Ils vont partir à sa recherche. Arnaud, lui, va découvrir une entrée secrète de la ligne rouge. Et là, dans la ligne rouge, si vous regardez le dernier épisode aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on se permet beaucoup de choses. On est vraiment dans une dimension parallèle. Sans révéler de punch, les personnages sont assez... on est dans la science-fiction, on est aussi dans du fantastique. C'est surréel et le petit toutou d'Arnaud devient un énorme singe vivant qui prend vie, qui prend parole. Donc ça crée une dynamique particulière. Et pour l'instant, Sébastien et Stéphanie sont à la recherche de Arnaud, le petit frère. Donc ils vont vivre plusieurs péripéties. Puis j'ai bien hâte que les gens puissent lire la finale. Et en terminant, Julien Paris-Sorel, c'est intéressant, j'imagine, côté approche, dans le développement du scénario, dans le développement de tout ça, dans la mesure où on y va en formule épisodique, donc ça influence aussi la structure, l'approche par laquelle on va composer tout ça, on va mettre en scène tout ça. Ouais, mais c'est certain que je sais que bon, on fait souvent des remue-ménages toute l'équipe, mais avant tout, les scénaristes ont la volonté de vouloir provoquer le rire, le sourire, puncher à chaque épisode. Mais au-delà de tout ça, il y a une trame narrative qui se continue. Puis je pense que en publiant 2 fois par semaine, ça nous donne l'occasion de garder le lecteur accroché puis en haleine. Contrairement à une fois semaine, ça c'est un peu plus difficile étant donné que c'est pas une page complète. Bon, on a souvent plusieurs cases. Ça joue entre 4 et 8 environ par épisode. Mm-hmm. Mais oui, on essaie de rester dynamique. Puis on a souvent des personnages qui font leur apparition comme ça, qui vont revenir. Donc, il faut surveiller ça. Oui, si tu veux, je peux laisser l'adresse pour que les gens puissent... surtout les auditeurs de Québec qui n'ont pas accès au journal papier. Oui, en fait, c'est lignerouge.tumblr.com. Exactement, exactement. Il faut aller lire ça. Tous les épisodes sont disponibles. Puis, dans le fond, les épisodes sont mis en ligne le lendemain de la publication en papier, soit tous les mardis et vendredis. Voilà, l'invitation est lancée. On n'a aucune bonne excuse de ne pas aller la lire. C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit et ça risque d'être publié en livre à la toute fin. Alors, on aura l'occasion peut-être de revenir sur un bilan de l'expérience à ce moment-là. Mais, avec grand plaisir. Mais Julien Paris-Sorel, merci. Merci à toi. Puis à la prochaine. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Alors voilà, donc, Julien Paris-Sorel, membre de l'équipe de réalisation justement de cette bande dessinée La Ligne Rouge, publiée dans le Métro Montréal. Et comme on le disait, disponible également sur le web, donc pour public d'ici. Alors, je vous redonne l'adresse, c'est lignerouge.tumblr.com pour aller mettre la main sur, donc, cette bande dessinée. Et voilà, toujours à la vie en BD, dernière ligne droite de cette émission, de cette semaine, dernière ligne droite qu'on fait avec Michel Giguère, l'animateur des rendez-vous de la bande dessinée de la BD à la bibliothèque Gabriel Leroy. Michel, bonjour. Bonsoir, Monsieur Poirier. Et peut-être avant de se lancer sur la rencontre de mercredi prochain, donc mercredi le 11, petite mention, tu t'es bien remis de ton 10e anniversaire le mois dernier? deux, trois semaines plus tard, oui. Oui, non, mais écoute, c'était simple, mais je pense qu'on a dignement souligné ça. Alors, on a eu une belle assistance en nombre et en qualité. Et puis, sur l'écran, on a frôlé les 700 écrans en 1h15. Et le pire, c'est que je suis rentré dans les temps. J'ai même pas manqué de temps. J'ai pas eu besoin de courir. Tout était vraiment calculé. Mais c'était sûrement un peu étourdissant. Mais enfin, les gens ont semblé apprécier. Et il y a même un membre de l'assistance qui m'a dit que ça avait été touchant de revenir en arrière comme ça là, sur les 10 ans, puis les nombreux invités, les nombreux thèmes. Et justement, parmi les invités, parmi les nombreux thèmes, il y a des éléments récurrents depuis ces dernières années, c'est les collaborations entre Québec et Bordeaux. Je rappelle qu'en mars-avril, Québec accueille un bédéiste bordelais en résidence. Évidemment, ben son passage à tes rendez-vous de mars, c'est un peu une tradition désormais. Là. Oui, effectivement. Et depuis que le Québécois y va à l'automne et que le Bordelais vient au printemps, parce qu'au début ils étaient, pendant qu'un était là-bas, l'autre était ici, là, fait qu'ils se croisaient à peine à l'aéroport. Mais depuis ce temps-là, moi je peux inviter les deux, fait que là on aura le Québécois aussi. Là, j'apporte deux nuances, c'est que du côté du Bordelais, en fait, ça fait d'habitude c'est à tous les ans, et là ça fait déjà 2 ans parce que le programme est passé d'annuel à bisannuel, ou si vous préférez biennal. Et l'autre nuance, c'est que notre invité de cette année est pas tout à fait un bédéiste. En fait, il a eu, selon mes recherches, un projet d'album au Requin Marteau qui était prévu pour 2013, mais j'ai pas trouvé de trace de comme quoi ça s'est vraiment concrétisé, donc j'ignore s'il a abouti. Et ça mène en fait à vous rappeler que, comme d'habitude, quand je reçois un bédéiste, je limite mes recherches pas mal au minimum pour vraiment poser des vraies questions avec une vraie curiosité quand je les reçois. Donc, je m'assure juste d'avoir de la matière à bien remplir la soirée. Oui, et effectivement, quand on farfouille un brin sur le web autour de ce BDiste bordelais du nom de pseudonyme Mr. Kern, eh bien, on découvre qu'il est avant tout peintre et muraliste, donc il fait des fresques murales. Oui, alors Mathias, pour l'appeler par son prénom, il va quand même, plutôt pour le dire autrement, sa pertinence est dans le programme de résidence et au rendez-vous de la BD, malgré qu'il soit concepteur de fresques murales, vient d'une part du fait que son univers est très influencé par la BD et d'autre part du fait qu'il y a une bonne partie de ses œuvres qui s'inscrivent dans la grande famille de la figuration narrative, c'est-à-dire des images peintes ou en tout cas peu importe le médium, mais qui en soi racontent quelque chose. Et même en plus, il va plus loin parce que il crée parfois des séries de tableaux qui s'articulent en séquence et ça se rapproche vraiment de la bande dessinée. Et du côté québécois, ton invité, c'est Bach, qui a passé les mois, elle, de septembre et octobre 2013 à Bordeaux. Oui, alors Estelle Bachelard, ben, en fait, je recevrai donc deux artistes qui font carrière sous leur pseudonyme. J'espère que pour elle, ça sera pas trop de trop lointains souvenirs à sa mémoire, parce que j'ai bien envie là, qu'elle nous raconte son séjour là-bas, ses rencontres, les activités auxquelles elle a participé. Tout ça avec quelques photos et croquis extraits de son blog. Oui, de son blog, qu'elle avait diffusé d'ailleurs, une page Facebook qu'elle anime de manière assez active d'ailleurs depuis plusieurs années. Oui, et puis en fait, en lisant sur elle, j'ai découvert que, en tout cas j'espère qu'elle a été bien citée, mais elle saura nous le préciser, elle déclare que les blogs auxquels elle a participé et sa page Facebook lui ont permis vraiment de développer son style et de développer un public assez intéressant quantitativement, avant de se lancer dans la publication imprimée. En l'occurrence, elle a publié l'album « C'est pas facile d'être une fille chez Mécanique Générale ». Et Mr. Kern, lui, de son côté, il est passé par le fanzina pour se faire la main, pour dénicher ses premiers lecteurs. Conséquemment, moi, j'ai très hâte de leur demander si, à leurs yeux, Internet constitue encore une manière de passerelle vers le papier, comme si le fanzina et les blogs et la BD sur le web constituaient une espèce de tremplin vers des publications plus officielles sur papier. Et Mathias Kern, lui, son parcours en fait a débuté, il est né en 81, je crois, à Buenos Aires, ouais. Argentine, qui est d'ailleurs un terreau assez fertile là, pour la bande dessinée, on l'a vu au fil de moult festivals ici comme ailleurs. Oui, il y a peut-être des gens qui soupçonnent pas à quel point l'Argentine a produit de grands noms de la BD internationale, de Breccia à Munoz et Sampaio, en passant par Kino, entre autres. Ce que j'ignore et que Mathias va nous apprendre mercredi, c'est si son histoire d'amour avec la bande dessinée remonte à l'époque où il vivait encore en Argentine. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il a attrapé la piqûre de la fresque murale pendant ses études à Barcelone, là où cette pratique est, semble-t-il, très populaire, et qu'il travaille beaucoup en Espagne, bien qu'il réside en France. Alors, je crois qui va nous amener une espèce de brassage de culture là, pas mal intéressant. Et Bach a quand même aussi brassé les médiums à sa façon, puisqu'avant de devenir illustratrice, avant de devenir auteur BD, elle a travaillé aussi dans le domaine du graphisme et du jeu vidéo. Oui, puis j'ai bien hâte de lui demander aussi si elle croit que son passage dans l'univers des jeux a influencé son type de dessin qui est d'une grande clarté, d'une grande efficacité. Mais autrement, ses influences en BD viennent principalement des blogs, des gens comme Boulet, Laurel, Jimmy Beaulieu au Québec, Margot Mottin, Pénélope Bagieux. C'est un peu tout ça, son univers. Elle a en commun avec eux un sens aigu de l'observation de ses congénères, 2, une bonne dose d'autodérision, et puis 3, l'exploitation du territoire intime, c'est-à-dire les amis, le couple. Et c'est donc dire que, si on y pense, sa première publication papier dans un album collectif a dû la sortir de sa zone de confort, parce que c'était l'album « Je me souviendrai » en 2012, autour du mouvement des Carrés Rouges. Donc, on a là une ouverture sur l'actualité et le socio-politique. Fait que ça l'a changé beaucoup, là, des trucs de couple et d'amis. Oui, et ça risque d'être intéressant et aussi d'aborder justement cette dimension-là à saveur politique, si on peut dire, dans mesure où tu vas avoir aussi avec toi un muraliste qui pratique un art qui est proche du graffiti, du tag. Alors, d'une certaine façon, pourquoi peindre sur un mur de la ville? Est-ce qu'il y a une notion justement d'une volonté de faire un geste chargé? Est-ce qu'il y a une volonté sociopolitique quand on aborde un peu les façades des espaces publics qui sont fréquentés par tout un chacun? Oui, écoute, j'ai encore une fois, là, j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses à mes questions parce que y a un côté presque subversif, il y a une prise de possession du mur de dans la cité, tu sais, d'imposer un message à tous. Lui, c'est sûr qu'il le fait de façon officielle et très élaborée, là, il fait pas des choses la nuit en cachette, là. Quand même, ça rejoint un peu ça. Et quand on y pense, en fait, ce gars-là pratique en 2015 la première forme d'art qui est parvenue jusqu'à nous, la peinture rupestre, tu sais, qui était de peindre pour la collectivité sur les murs de là où on vit, quand on y pense, là. Fait que j'ai bien hâte de voir aussi s'il a ce sentiment-là de s'inscrire dans quelque chose qui remonte aussi loin que l'âge des cavernes. Mais je dois t'avouer que je me suis un petit peu gratté le génie, là. Peut-être que les gens s'en rendent compte un petit peu, là, pour chercher des points de jonction, des parallèles à établir entre les parcours de ces deux invités. A priori, c'était pas évident parce que l'une fait de la chiclite dans un style caricatural, l'autre de l'absurde déjanté dans un style très réaliste, presque photographique. Mais en fait, pour moi, le plaisir de préparer ces rencontres-là, ça vient souvent de la contrainte de m'amener des nouveaux défis, puis de m'amener là où je suis jamais allé, là. Fait que j'ai, en préparant tout ça, fini par tisser des liens, faire des parallèles, des recoupements, et ça va être à la fois très diversifié et très rafraîchissant, je pense. Oui, puis à travers ça, il y a, j'imagine aussi la notion, dans mesure où Mr. Kern il explore un peu la notion de narration en une image, dans le fond, au bout du compte, à travers ces peintures, mais qui sont très narratives. Parallèlement, Bach, elle, a fait aussi d'illustrations, donc travaille justement la notion d'efficacité narrative. Donc, à travers ça, reste qu'il y a un langage similaire qui est exploré, au bout du compte, de manière très différente. Mais oui, et puis bien que moi, je suis vraiment toujours axé sur la bande dessinée, il reste que ça me gêne pas du tout qu'on se penche avec les gens qui seront présents sur le potentiel narratif d'une seule image, comment on la conçoit, où est-ce qu'on a placé la personne qui regarde, c'est-à-dire le cadrage, l'angle, tout ça, qu'est-ce que ça projette, tu sais, qu'est-ce qui se passe hors champ autour qui est peut-être suggéré, et est-ce que ça nous permet d'imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, l'image comme ça, narrative, que ce soit du dessin de presse, que ce soit l'illustration qui accompagne un article ou une couverture, c'est tout un art. Et là, Kern qui arrive, lui, avec ses fresques, moi je vais vous montrer des photos sur écran, là, des fresques qu'il fait parfois grimper dans une grue, là, c'est monumental. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va être assez inédit pour moi, là. Alors, ben, l'invitation, on la lance. Donc, c'est mercredi le 11 à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, rencontre croisée, qui sera menée par Michel Giguère, Ant Back et Mr. Kern. Et l'entrée est libre, évidemment, pas besoin de réserver. Et ça commence vraiment à 19h pile. Voilà. Michel Giguère, nous, on se dit, à mercredi et à très bientôt. Merci pour l'invitation, Raymond. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Alors, voilà, donc, nous, on le disait, c'est le dernier droit de l'émission. Alors, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, un regard sur la programmation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec 2015 qui aura été dévoilé, donc, mardi qui vient. Alors, voilà. Donc, c'était Raymond Paré au micro. Passez une bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL et on se dit à la semaine prochaine.